France Inter. Franceinter.com. Un autre 11 septembre, il y a un peu plus de 40 ans. À l'aéroport de Nice, des familles et des amis attendent l'arrivée de la caravelle d'Air France qui a décollé moins d'une demi-heure plus tôt d'Ajaccio. Un saut de puce au-dessus de la Méditerranée. Mais l'appareil n'atterrira jamais. Après de longs moments d'angoisse, tous apprendront enfin la terrible nouvelle. La caravelle s'est abîmée en mer. Alors qu'elle se trouvait en phase d'approche de la piste de Nice, il n'y a aucun survivant. 89 passagers et 6 membres d'équipage ont péri. Au-delà de la légitime émotion des proches de tous ceux qui ont trouvé la mort, la polémique ne va pas tarder tant cette catastrophe semble inexplicable. On va même imaginer les hypothèses les plus échevelées, dont celle de l'attentat. Mais progressivement, une autre version s'impose pour ceux qui ont perdu un ami ou un parent, celle d'une erreur militaire. C'est un missile qui aurait frappé la caravelle. Le ministère des Armées, alors dirigé par Michel Debré, a beau démentir avec fermeté, la lenteur de l'enquête et la mauvaise volonté des autorités militaires accréditent peu à peu l'hypothèse du missile. Et malgré le non-lieu prononcé par la justice en 1973, le doute subsiste. À tel point qu'en septembre 2008, il y a donc seulement quelques mois, un collectif de proches des victimes a déposé une plainte contre X pour homicide volontaire en se basant sur de nouveaux témoignages. Mais, 40 ans après, est-il encore possible d'approcher la vérité ? Dans un instant, M. X décortique ce dossier qui demeure aussi douloureux que sensible. J'ai vendu ma misère pour une voix de soumission. Au fond de moi, la sentinelle pouvait briller sans exception. Et les sourires étaient les mêmes. Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison. Vous n'entendez donc que la bête et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine est un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence au fossoyeur de compassion, au mijoter de la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte-attelle, j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Ravale donc ta rengaine, ravale donc tes sanglots, de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? J'ai juste cri de guerre, pas en faux frère. Mais en son nom, je donne ma main à l'enfer, sous le crachat ma rédemption. bien. Est un délit d'opinion. Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Avant de voir précisément dans quelles conditions a eu lieu le crash de la caravelle Ajaccio-Nice, une observation. Il existait alors en Provence une véritable psychose au sujet des tirs de missiles. Que voulez-vous dire là ? Pas mal de ces engins avaient eu des trajectoires plus ou moins aléatoires. D'où étaient-ils tirés là ? De l'île d'Ulvan, au large de Toulon. Mmh. Il existait alors une base du CERES, le centre d'essai et de recherche d'engins spéciaux, où l'on expérimentait des fusées civiles et militaires françaises, mais aussi parfois étrangères. Or, plusieurs de ces engins étaient tombés là où on ne les attendait pas. Le maire du Lavandou avait même émis une protestation officielle, tant ces incidents à répétition lui semblaient préoccupants. Et notez-le bien, cette série continuera même après 68. Donc après le crash de la caravelle. Oui, en avril 1970, un missile s'écrase, par exemple, sur une villa du Lavandou appartenant à la sœur de Michel Debré. Le ministre de la Défense nationale. Ah oui, ce n'est pas banal. Hein. Ouais. Un mois plus tard, un autre engin sème la panique au milieu des baigneurs de la plage d'Aigbel. Et il y en a encore d'autres. La villa de Potez, le célèbre constructeur d'avions de l'avant-guerre, est ainsi touchée. On en observe également sur l'île de Porquerolles ou au Cap Bénard. Mais ça fait beaucoup quand même. Même s'il ne s'agit pas d'une pluie de missiles, comme certains l'ont prétendu. Enfin, il n'empêche que ces incidents ont incontestablement marqué les esprits. Et quand la caravelle s'est crachée, on a aussitôt pensé à un missile. Ah, pas tout de suite, non. Mais l'idée a peu fait son chemin. Je viens, mais enfin, j'imagine que ces tirs de missiles devaient tenir compte de la présence dans le ciel d'avions civils, non ? Bien évidemment. Aussi a-t-il été délimité un couloir sécurisé où pouvaient évoluer sans risque ces avions civils. Mais nous en parlerons, car c'est peut-être l'une des clés de cette dramatique affaire. On y viendra, effectivement. Mmh. Mais alors, venons aux circonstances. Vous savez sans doute que la plupart des accidents d'avions sont dus à des erreurs humaines. En l'occurrence, le commandant de bord et son pilote sont des hommes expérimentés à qui il paraît difficile d'imputer une faute. Même si l'erreur est toujours possible. Bien entendu. Alors le vol, la caravelle décolle très précisément à 10h12 de l'aérodrome Campo dell'Oro à destination de Nice. Ouais. Campo dell'Oro, c'est l'aéroport d'Ajaccio. Hein. C'est un vol régulier et quotidien très fréquenté. 89 passagers sont montés à bord et il y a 6 membres d'équipage. 16 minutes plus tard, le pilote demande l'autorisation d'amorcer sa descente vers Nice. Qu'il prend en charge là, le centre de contrôle radar de Marseille. Ouais. Et à cet instant précis, cet échange radio indique qu'il y a une légère contradiction entre le QDM que donne le pilote de l'avion et le radar au sol. Ouais, le QDM, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout simplement la route magnétique que l'appareil est censé suivre. Marseille appelle donc la caravelle, mais n'obtient pas de réponse. Puis soudain, à 10h30, le pilote annonce « on a des ennuis ». Puis, pouvez-vous me faire une approche directe ? Ouais. Qu'est-ce que ce message peut vouloir dire ? Des ennuis à bord d'un avion, c'est toujours préoccupant. Mais on ne peut pas en dire plus. Il y a quand même urgence, puisque le commandant de bord demande d'atterrir très rapidement. Hein. Et très vite. Quelques secondes plus tard, le pilote dit qu'il y a le feu. Ah. Sans autre précision ? Non, mais enfin, j'imagine que pilote et copilote doivent avoir d'autres choses à faire que d'informer précisément le sol. Et donc la tour de contrôle de Nice qui les guide dorénavant. Encore quelques secondes, le commandant de bord déclare à nouveau qu'il a des ennuis, qu'il y a le feu à bord et qu'il demande un atterrissage d'urgence. Il a encore le temps de dire qu'il est en vue du sol et dispose d'une très bonne visibilité. Puis c'est le dernier dramatique message à 10h32. On va se cracher si ça continue. Ensuite, c'est le silence. Et la caravelle s'est effectivement crachée. Et elle s'est écrasée en mer à une vitesse d'au moins 280 km à l'heure, c'est-à-dire sa vitesse normale de descente. Autant dire qu'elle s'est écrasée là contre un mur de béton. Effectivement. Et les premiers sauveteurs arrivés sur place ne pourront relever à la surface que des débris et malheureusement des corps déchiquetés. Et ici, enfin, pardonnez-moi une observation personnelle, jeune reporter, je suis arrivé, moi, peu après à Nice, hein, j'ai vu dans un hangar de l'aéroport tous ces morceaux de caravelle et ces restes humains, et c'était horrible. Hein. En tout cas, le recueil de ces épaves relativement concentrées à la surface de la mer permet d'affirmer à coup sûr que l'appareil n'a pas explosé en vol, mais qu'il s'est brisé en s'écrasant sur l'eau. Ça infirme donc la version de l'attentat et d'une bombe déposée à bord. Et pourtant, cette hypothèse sera longtemps évoquée, essentiellement à cause de la présence parmi les passagers de deux hommes qui auraient éventuellement pu être visés par un attentat. Ouais, à commencer là, par le célèbre, je me souviens, le célèbre général Cogny. Ouais, ce militaire, l'un des plus hauts gradés de l'armée française, avait connu une glorieuse carrière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en Indochine, avant d'être nommé au commandement de nos troupes au Maroc sous la 4e République. Et c'est là que son image s'est un peu brouillée. Rappelez-moi. Ce personnage, haut en couleur et très populaire, aurait alors nourri des tentations putschistes. Mais vous employez le conditionnel. Oui, parce qu'on n'a jamais apporté la moindre preuve. Quoi qu'il en soit, il est vrai que le général a été soupçonné d'avoir été à l'origine de la fameuse affaire du bazooka. Un attentat destiné à assassiner le général Salan. Salan, qui était alors le chef de l'armée en Algérie. Mais vous le savez, c'est son adjoint qui a été tué. Et le complot lui-même a capoté. Et seuls les hommes de main ont été identifiés et poursuivis. Mais les commanditaires, et parmi eux il y avait des personnalités gaullistes très connues, n'ont jamais été condamnés. Quant à Cogny, il s'est abstenu de débarquer à Alger et il est sagement resté au Maroc. N'empêche que son nom a été durablement associé à cette sulfureuse affaire. Mais tout ça avait eu lieu en 1957. Donc c'était très ancien. Hein. Franchement, je ne vois pas pourquoi on s'en serait pris au général Cogny en 1968. Ouais. Mais vous m'avez parlé de deux hommes, alors qui était l'autre ? Un savant atomiste d'origine polonaise qui, comme on disait à l'époque de la guerre froide, avait choisi la liberté. Et la France. C'est exact. Jerzy Sawicki était un type brillant, qui avait aussi collaboré avec la fine fleur des physiciens états-uniens. Ouais. Il avait donc eu accès à de nombreux secrets nucléaires. Certainement. Mmh. Mais en admettant que les services de l'Est se soient vraiment intéressés à lui, ils auraient sans doute tenté de l'enlever ou de le neutraliser plutôt que de le liquider en assassinant avec lui 94 innocents. Donc, cette hypothèse vous paraît invraisemblable. Complètement. Et puis, je vous rappelle, il n'y a pas eu explosion en vol, ce qui se serait produit hein, s'il y avait eu bombe à bord. Alors, éliminons l'hypothèse de l'attentat. Absolument. Il faut quand même bien essayer de comprendre ce qui est arrivé. Hein. Et comme après tout accident d'avion, un juge d'instruction a été commis et une commission d'enquête a été nommée. Une commission formée de professionnels de l'aviation. Bien entendu. Et ces experts vont recueillir des témoignages et surtout examiner par le menu les débris de la caravelle qui ont pu être repêchés. Et l'enregistreur de vol, là, ce qu'on appelle à tort la boîte noire. À l'endroit où l'appareil s'est abîmé, il y a un fond de plus de 2000 mètres. Autant dire qu'il sera très difficile de récupérer cet enregistreur. Surtout qu'en 1968, on ne dispose pas encore des matériels qui seront mis en œuvre beaucoup plus tard. Pour repêcher, par exemple, des objets provenant du Titanic. Ouais. Cette boîte noire, alors, ne sera donc jamais récupérée ? Oui, elle le sera, mais très longtemps après. Je reviendrai sur cet épisode assez bizarre. En attendant, il faut vous parler du premier rapport rédigé par les enquêteurs. Et autant vous le dire tout de suite, ce rapport d'étape est plutôt décevant. Rendez-vous avec X. Je me suis replongé dans la presse de l'époque qui, en l'absence d'informations sûres, s'est d'abord attaché à recueillir les témoignages des quelques personnes qui ont assisté au crash. Et d'abord celui d'un pêcheur de Cagnes-sur-Mer qui a été le premier arrivé sur les lieux de la catastrophe. Extrait de Paris Jour du 12 septembre. J'étais sur le port lorsque, soudain, j'ai aperçu dans le ciel une boule de feu qui s'écrasait dans la mer. Puis, j'ai vu à la surface de l'eau un véritable incendie sur une surface de plusieurs mètres carrés. Une énorme colonne de fumée s'est élevée. Quelques instants plus tard, un autre témoin déclarait lui aussi avoir aperçu depuis la corniche de l'Estérel, une boule de feu. J'ai d'abord cru à un météore flamboyant, puis il s'est abattu dans la mer, et pendant quelques instants, rien ne s'est produit. Alors, j'ai cru que j'avais été victime d'une hallucination, mais bientôt, une colonne de fumée s'est élevée. Un troisième témoignage devait confirmer tragiquement les deux autres, celui d'un directeur commercial, M. Pierre Tartou, qui visitait un appartement dans un immeuble de la Croisette à Cannes. J'admirais le paysage à la jumelle depuis le balcon lorsque j'ai vu une boule de feu s'abattre dans la mer. Aussitôt après s'est élevée une immense colonne de fumée. Sur l'eau, baignant dans une grande tache d'huile, des brûlots surnageaient çà et là. Ce premier rapport. Ce document provisoire est rendu public relativement rapidement, en mai 1969. Alors que les travaux de la commission d'enquête se poursuivent donc. C'est ça. Et à mon avis, pour le ministère des Transports qui diligente cette enquête, il s'agit d'abord d'étouffer au plus vite une rumeur qui gonfle démesurément la possibilité que la caravelle ait été touchée par un missile. Sans jeu de mots malvenu, il fallait donc éteindre le feu. Oui, c'est ce que je pense. Car les avocats de parents de certaines victimes ont déjà clamé haut et fort que l'appareil avait certainement été la cible involontaire d'un engin de la Marine nationale. Alors, que dit exactement là, ce rapport provisoire ? Après avoir affirmé que tout serait mis en œuvre pour faire la lumière sur l'origine du crash, les rédacteurs du document font d'abord état du démenti catégorique de la préfecture maritime. En effet, selon les militaires, les tirs de missiles sont exécutés à des heures et dans des zones qui excluent toute atteinte possible à la sécurité aérienne. Oui, et ce démenti suffit aux enquêteurs ? Apparemment, oui. En même temps, ils mettent en évidence que les traces de suie relevées sur les débris témoignent d'un feu de kérosène et que la radiographie des coussins de fauteuils qui ont été retrouvés n'a montré aucune trace d'éclat. À ce stade, on peut constater que si la commission exclut l'hypothèse du missile ou celle de la bombe, elle ne donne aucune explication de la cause du sinistre. C'est vrai. Mais elle s'engage à faire preuve de la plus grande franchise et souligne que, contrairement à ce qui s'est passé lors de deux crashs aériens précédents, elle a communiqué le plus vite possible ses premières conclusions. Ouais, qui ne sont pourtant pas vraiment des conclusions. Je suis d'accord. J'oubliais. La commission annonce aussi qu'elle va conduire une opération de ratissage des fonds sous-marins. Afin de récupérer des morceaux d'épave. Une sorte de, quoi, de chalutage qui doit être en même temps assez destructeur. C'est certain. Mais pour ces experts, il est important de découvrir dans quel secteur de l'avion le feu a pris. Et au fur et à mesure des résultats de cette pêche morbide, ils commencent à se faire une idée. Tout aurait commencé à l'arrière de la caravelle, sans doute au niveau des toilettes. L'incendie aurait pu déformer l'arrière du fuselage et donc détruire les commandes hydrauliques de vol très sensibles au feu. Ce qui expliquerait que le pilote aurait été dans l'incapacité de continuer à diriger son appareil. C'est une hypothèse. Mais encore, faudrait-il savoir pourquoi ce feu a éclaté ? Évidemment. Alors on pense par exemple à l'imprudence d'un passager qui, après avoir allumé sa cigarette, aurait jeté son allumette dans la boîte des papiers usés. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait encore fumer dans les avions. Mais on va aussi bientôt parler d'une autre cause. Le défaut de fonctionnement du chauffe-eau électrique qui équipe les toilettes. Et justement, on découvre que sur une autre caravelle stationnée à Orly, l'un de ces appareils aurait spontanément déclenché un début d'incendie. C'est troublant, mais en fait, pourquoi situer le feu dans les toilettes ? Parce que parmi les débris repêchés se trouve un morceau de glace en partie noirci. D'autre part, on fait état d'informations qui me semblent assez contradictoires. Et par exemple ? Dans un deuxième rapport, il est dit que les deux pilotes auraient pu être intoxiqués par les fumées toxiques émises par l'incendie. Un incendie qui se serait communiqué aux moquettes. Mais pourquoi affirme-t-on dans un autre passage qu'ils portaient leur masque à oxygène ? Ah oui, parce que s'ils avaient chaussé ces masques-là, ils n'auraient pas été intoxiqués. En réalité, on a encore l'impression que les enquêteurs, en voulant accréditer à tout prix la version de l'incendie, essaient aussi d'infirmer la thèse du missile. Ouais. Je veux bien, mais ces débris noircis indiquent à l'évidence qu'il y a bien eu le feu à bord. D'ailleurs, le commandant de bord l'a lui-même annoncé à la tour de contrôle. J'ajoute que cette affaire des fumées a donné aussi lieu à une extrapolation assez fantaisiste. Les passagers affolés, pour échapper à l'asphyxie, se seraient tous précipités à l'avant de l'appareil et même dans le poste de pilotage. Un mouvement collectif qui aurait déséquilibré la caravelle. Mais les médecins légistes qui ont examiné les quelques cadavres repêchés ont établi que le torse de ces malheureux portait la marque de leur ceinture de sécurité. Et par conséquent, ils n'ont pas quitté leur siège. Forcément. Alors vous m'avez fait remarquer, à juste titre, qu'on ne pouvait pas douter de l'existence du feu à bord. Mais pour les partisans de la version missile, il n'y a pas forcément contradiction. Il faut m'expliquer alors. Volontiers. Ces gens, qui sont pour la plupart des parents des victimes, affirme qu'un engin aurait percuté l'un des réacteurs. Réacteur situé à l'arrière de la caravelle, si je me souviens. Et très près du fuselage. Mm-hmm. Donc, il y aurait eu choc. Mais attendez, ce seul contact aurait dû entraîner l'explosion de l'avion, hein? Non, non, car le missile aurait été inerte. C'est-à-dire que la tête n'aurait pas contenu de charge explosive. Enfin, je continue. Toujours selon les tenants de cette thèse, le réacteur frappé se serait détaché et l'arrachement ou la fuite de kérosène aurait déclenché un début de feu ou une petite explosion. Et dans le poste de pilotage, on n'aurait pas immédiatement senti ce choc ? Si, bien sûr. Le commandant de bord a dû s'apercevoir que quelque chose clochait. Ah oui, alors et c'est à ce moment-là qu'il aurait dit « on a un ennui ». Mais à ce moment-là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne réalisera vraiment que lorsque le feu se déclara et surtout lorsqu'il s'apercevra que les gouvernes arrière ne répondent plus. Ah, et les systèmes d'alarme même. Même si la caravelle est un modèle qui est maintenant ancien, il devait déjà exister. Oui, oui, mais ils auraient été détruits en même temps que les autres circuits à cause de la déchirure du fuselage. D'ailleurs, à la suite de cette catastrophe, le constructeur modifiera le schéma de connexion de ces systèmes. Ah, quand même, oui. Autre question, alors pourquoi ce missile aurait-il justement frappé la caravelle, hein, une rencontre entre un engin tiré du sol et un avion est hautement improbable. Sauf si l'engin est doté d'un système qui lui permet de détecter la chaleur des réacteurs, à condition que les têtes des fusées aient déjà été munies de systèmes infrarouges. Dans ce cas-là, si l'avion passe à proximité, le missile est, si je puis dire, irrésistiblement attiré. En tout cas, je note la relative proximité spatiale entre les toilettes de l'appareil et les réacteurs. Hein. Et tous deux étant en effet situés à l'arrière. Et si on retrouvait le réacteur alors qui aurait été éventuellement frappé, ben, il serait possible de valider cette thèse. Oui, mais les nombreuses opérations de chalutage effectuées par les navires câbliers ne permettront pas de repêcher ce réacteur, ni l'autre d'ailleurs. Mais en ce qui concerne le réacteur qui a été peut-être touché, ça s'explique aisément. Pourquoi alors ? Ben, s'il s'est détaché, il est tombé à la mer bien avant le crash de l'appareil. Donc assez loin de la zone là où l'on a repêché les débris et les corps. C'est ça. Mm-hmm. Car l'appareil a poursuivi son vol pendant au moins 3 minutes. Et à la vitesse où il avançait, ça représente pas mal de milles nautiques. Autant dire que repérer cette position est quasi impossible. Et pourtant, seule la récupération de ce moteur pourrait apporter des certitudes, dans un sens ou dans l'autre. Cependant, en mars 1971... on se met enfin à espérer. La fameuse boîte noire est repêchée. Ah, c'est-à-dire, l'enregistreur de vol pourrait donc donner de précieuses informations. En effet. Mais la déception ne tarde pas. La bande est inexploitable. La gélatine qui la recouvre s'est détachée. La corrosion de l'eau de mer ? Certainement, mais assez curieusement, cette détérioration n'a détruit que les dernières données du vol. Les plus intéressantes. Et les experts de la commission d'enquête qui autopsie cette bande déclare qu'il y figure des informations sur les précédents vols de la caravelle. Et ça ne manque pas d'étonner. Ah oui, parce que la détérioration aurait donc été sélective. Aussi, les représentants des familles demandent-elles qu'une expertise soit confiée à une société spécialisée, indépendante. Mais la commission d'enquête refuse de se dessaisir de la bande. Une décision qui va naturellement conduire à alimenter les soupçons. Tous les soupçons, d'autant qu'on va découvrir bien d'autres anomalies. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Deux journalistes, Jean-Michel Verne et Max Cloet, ont récemment enquêté sur cette affaire et en ont rendu compte dans un ouvrage intitulé « Secrets d'État ». Nous en reparlerons. Mais je m'arrête un instant sur le passage du livre consacré à la boîte noire. Extrait. Est-il concevable qu'une bande enregistrée ait été détériorée seulement en partie par de l'eau de mer qui n'en aurait pas attaqué l'intégralité? Nous sommes sceptiques, voire méfiants. C'est un autre document qui pose la cerise sur le gâteau. En avril 1971, la société Photochimie située à Drancy entre en contact avec les enquêteurs. Elle est spécialisée dans l'analyse des bandes magnétiques et se propose d'aider la commission d'enquête dans l'examen de la boîte noire. Après divers pourparlers, le directeur de cette entreprise prend contact avec le bureau enquête accident. Le texte de cette lettre constitue une leçon de litote de ce qui nous a été répondu. Nous avons compris que dans l'état actuel des choses, vous ne sentiez pas la nécessité de rechercher des compétences autres que celles dont vous disposez au centre d'essais en vol de Bretigny. Nul besoin d'être fin-ligné pour comprendre que les enquêteurs ne veulent pas confier la boîte noire à un organisme privé. Avant de voir dans le détail ces anomalies dont je vous parlais, je vous propose d'en venir d'abord au rapport définitif de la commission d'enquête qui a été rendu public en 1972. 4 ans après la catastrophe. Un délai qui n'a rien d'extravagant, il faut tout de suite le dire. En matière d'accidents aériens, les investigations sont généralement longues et toujours très complexes. Alors, quelles sont les conclusions de la commission? Eh bien, elles sont pour le moins très vagues. Elles excluent préalablement une nouvelle fois la thèse du missile. Mais quels arguments, là? Toujours les mêmes, puisque la défense nationale a démenti tout tir de missile. La caravelle n'a pu être victime d'un engin de ce type. D'autre part, de même source, on a indiqué qu'à l'époque du drame, le centre de tir de l'île du Levant était fermé. Donc la commission ne met en aucune façon en doute la bonne foi des militaires. Et le juge d'instruction, à son tour, donnera son aval à cette orientation de l'enquête. Enfin, le rapport souligne que si un missile avait touché la caravelle, l'avion aurait vraisemblablement explosé. Or, la relative étroitesse de la zone où on a retrouvé des débris montre que c'est le choc à la surface de la mer qui a désintégré l'appareil. D'accord, mais la cause de l'incendie? Les enquêteurs, malgré les 10 tonnes de morceaux de l'appareil remontés à la surface, en sont réduits à faire des suppositions. Mais la conviction qui l'emporte, c'est celle d'un feu né dans les toilettes arrière. Étrangement, il est question d'un incendie qui se serait déclaré à droite, alors que dans un premier temps, les enquêteurs s'étaient prononcés pour la gauche. Une localisation à droite que le commissaire de la police de l'air, qui a lui aussi enquêté, maintient fermement. Alors, encore une contradiction, là. Un dernier mot à propos de ce rapport de la commission d'enquête. Ses rédacteurs n'excluent pas qu'un engin incendiaire ait pu être déposé à bord. Dans les toilettes. Ce qui permettrait à nouveau de penser à un attentat. Mais même si cette option n'a pas pu être totalement écartée, je crois que les enquêteurs n'y croyaient guère eux-mêmes. Tout cela n'est guère éclairant. C'est vrai. C'est pourquoi le juge d'instruction, faute d'éléments concluant, a fini par prononcer un non-lieu en avril 1973. Cela signifiait aussi pour les familles qu'elles ne pourraient pas toucher d'indemnité supérieure à celles qui ont été fixées par la Convention de Varsovie. Mais pour la plupart d'entre elles, là n'était pas l'important. Ce qu'elles réclamaient d'abord, c'est la vérité. Or, 40 ans après, on ne connaît toujours pas cette vérité. Alors, je veux bien, mais ces anomalies là que vous évoquiez... Elles sont nombreuses. Et en les examinant les unes après les autres, elles donnent l'impression qu'on a voulu cacher quelque chose. Cette histoire de gauche et de droite, par exemple. Un ingénieur en chef, membre de la commission, rend compte au président les résultats de son expertise. Très honnêtement, dans son rapport... Il écrit qu'il ne semble pas possible de désigner à coup sûr la zone où s'est déclaré le feu. Mais il penche quand même pour la gauche. Or, sur ce document, une main anonyme a barré gauche et a écrit droite à la place. Oui, mais enfin, quelle importance que ce soit à gauche ou à droite? Détrompez-vous. Quand la caravelle amorçant sa descente a changé de cap et longé le littoral en direction de Nice, l'île de Levant se trouvait sur sa gauche. Ah, je vois alors. Si un missile avait été tiré, il n'aurait pu... que toucher le côté gauche de l'avion. Oui, c'est donc pas anodin, là. Alors, la suite de ces anomalies. Il faut aussi remarquer que les radaristes de Marseille se sont longtemps fait tirer l'oreille avant de remettre les bandes d'enregistrement qu'ils détenaient. D'autre part, des témoins ont été victimes de pressions. Et un journaliste qui effectuait le matin du drame, à l'invitation de l'armée, un reportage sur le site militaire des radars du Mont Agel, près de Nice, s'est vu confisquer assez brutalement les bandes son qu'il avait enregistrées. De quoi s'agissait-il ? D'un exercice de simulation de tir opéré par plusieurs avions. Ah oui, alors, on peut se demander si, peut-être sans s'en rendre compte, ce journaliste aurait enregistré quelque chose qu'il n'aurait pas dû. On peut effectivement se poser la question. Ouais. D'autre part, l'un des fils d'un couple de victimes, Jacques Paoli, s'est vu convoqué par la gendarmerie. Et à cette occasion, un officier venu de Paris lui a fermement conseillé de cesser d'évoquer la thèse du missile dans la presse et les lettres que ses frères et lui envoyaient aux diverses autorités de l'État, et même au général de Gaulle. Ouais. Et pour vous, alors, tout ça, ça signifiait qu'on ne désirait surtout pas que l'armée soit mise en cause. Ça me paraît évident, non ? Il faudrait aussi mentionner le fait que plusieurs témoins visuels n'ont été entendus ni par le juge, ni par les membres de la commission. Mais pour la suite, je vais me référer, avec toutes les réserves d'usage, à un livre enquête qui vient d'être publié par deux de vos confrères, Secret d'État. Je l'ai moi-même reçu, mais j'ai tout juste eu le temps de le feuilleter. Hein. Puis j'avoue que le titre de leur ouvrage, « Secret d'État », m'a rendu d'emblée un peu méfiant. Hein. N'empêche que vous en savez maintenant presque autant que moi. Ouais, pour une fois. Alors je résume très vite. Les deux journalistes ont essayé sérieusement de tirer tous les fils possibles. Et de leur point de vue, en tout cas, ils ont fait une découverte essentielle en trouvant dans les archives un document qui n'avait jamais été exploité par les enquêteurs. De quoi s'agit-il ? D'un zonex, c'est-à-dire d'un document journalier établi par l'armée qui indique les zones d'exercice militaire dans une région déterminée. Des zonex, ah oui, zones d'exercice, voilà. Bref. Or, ce document, bizarrement, était recouvert pour une bonne part de papier noir. Comme si on avait voulu oblitérer les informations qui s'y trouvaient. Exactement. Nos deux fouineurs ont donc essayé par tous les moyens techniques possibles de découvrir ce que ce papier noir dissimulait. Et qu'ont-ils trouvé ? Des chiffres, des sigles, des horaires, autant de données qui leur ont paru d'abord incompréhensibles, mais qu'ils ont réussi à déchiffrer peu à peu. Et c'est ainsi qu'ils ont pu en conclure que le jour de la catastrophe de la Caravelle, des tirs de missiles avaient bien eu lieu. Ce qui voudrait dire que la Défense nationale a menti. Et son ministre de l'époque en premier. Mais nos deux détectives sont allés plus loin. En examinant d'autres documents militaires classés dans les archives, ils ont trouvé des éléments très troublants. Par exemple ? Des dates rectifiées, des papiers manquants, et même une page du journal de bord de la frégate lance-missile Suffren arrachée et remplacée par une feuille collée. Et la date de cette page ? Le 11 septembre 1968, bien sûr. Ça fait en effet beaucoup, et pour vous, ça montre donc que l'armée voulait cacher quelque chose. Hein. Évidemment. Et ça renforce considérablement la thèse du missile. Oui, et non. Ah bon, expliquez-moi. Les autorités militaires, pas plus que les enquêteurs, n'ont acquis la certitude qu'un de leurs missiles avait provoqué la catastrophe. Et pour se prémunir, dès que les premières accusations ont commencé à poindre, elles ont vraisemblablement essayé de brouiller les pistes et de détruire les documents qui pourraient compromettre l'armée. Ah oui, un comportement de gribouille. C'est un peu ça, oui. Ouais. Mais les deux journalistes, eux, en tiennent fermement pour la thèse du missile. Et dans leur esprit, c'est logique, puisqu'ils sont convaincus que la Grande Muette a triché, manipulé les informations et même falsifié des documents. À cela s'ajoute pour eux la rencontre avec des témoins visuels qui étayent la version du missile. L'un d'eux, par exemple, a vu dans le ciel une traînée bleuâtre à gauche de la Caravelle et tout de suite après une explosion. D'accord, mais enfin, des témoins qui se manifestent 40 ans après. Vous avez raison. Mais peut-être s'est-on gardé à l'époque de recueillir leurs témoignages. Et puis il y a aussi les récits, longtemps occultés, de militaires servant dans des unités aériennes qui déclarent aujourd'hui que dans leur caserne, la thèse du missile était un secret de polichinelle. Je viens, mais alors pourquoi parlent-ils seulement aujourd'hui ? Pour soulager leur conscience, disent-ils. Un peu tardivement, vous l'admettrez. Hein. Mais pour conclure alors, comment nos deux journalistes, là, expliquent-ils le drame ? Parce que même s'il y a eu des tirs de missiles ce matin-là, il existait des zones de sécurité. Et les autorités aériennes civiles reçoivent une notification des tirs qui vont être effectués. Information communiquée, bien sûr, à tous les pilotes civils qui vont voler ce jour-là. Alors même si je ne prends pas forcément cette explication à mon compte, voici ce que disent Chloé et Verne, Pour eux, la solution tient dans les informations contradictoires entre le sol et la caravelle sur la position de l'appareil. Est-ce que vous avez déjà souligné au début de cet entretien, quand vous avez évoqué le minutage du vol, hein? Ça veut dire que le pilote aurait été abusé par ses instruments de bord. 2 minutes d'écart, c'est ça, hein? C'est très peu. Mais à la vitesse où vole une caravelle, même en phase d'approche, ça fait beaucoup de kilomètres. L'avion serait donc, malgré lui, si je puis dire, entré dans la zone d'exclusion définie par les militaires. Et il aurait alors été frappé au niveau de son réacteur gauche. Ça fait quand même beaucoup de si. J'en conviens, et à ce niveau, j'en resterai là. Ah, mais ça justifierait une nouvelle enquête, à votre avis? Juridiquement, ça me paraît difficile. Plus de 40 ans se sont écoulés. Et puis, il y a eu le non-lieu. Mais, voyez-vous, dans cette affaire, il y a un aspect qui m'a toujours intrigué, et qui, s'il n'a pas été passé sous silence par la commission d'enquête, n'a guère fait l'objet d'investigations poussées. De quoi voulez-vous parler, là? Des balles. Des balles, pas de munitions, vous voulez dire? Tout à fait. De balles pouvant être utilisées par une arme de poing et de 2 calibres différents, 9 mm et 22 longs rifs. Ces munitions ont été retrouvées sous un meuble de lavabo. Ah, encore les toilettes, là. Pour certaines, on n'a retrouvé que des étuis vides, mais d'autres étaient intacts. Toutefois, ce qui est important, c'est qu'aucune n'avait été percutée. Donc il n'y a pas eu de tir à l'intérieur de la carlingue. Et on peut penser que si on a retrouvé des douilles vides, c'est que les balles ont explosé sous l'effet de la chaleur. Mais vous avouerez que c'est étrange. Certes, il y avait au moins un policier à bord. Ouais, mais il aurait dû placer son ou ses armes en soute, non? Pas forcément. La réglementation n'a changé qu'après le 11 septembre 2001. Mais pourquoi ce policier se serait-il débarrassé des munitions dans les toilettes? À ma connaissance, la question n'a jamais été résolue. Et ce n'est pas le moindre des mystères de la caravelle Ajaccio-Nice. Le livre de Chloé et Verne, Secret d'État, a été édité en 2008 par Ramsay. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez aussi communiquer avec nous et obtenir des renseignements bibliographiques et discographiques. Michel Billou, Ilinka Negulesco, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub m'ont aidé à préparer cette émission. Et Michel Polacco m'a amicalement dispensé quelques précieuses informations aéronautiques.